Cours numéro 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah amma ba'd. Fantahina min bab al-sahur wal-iftar. Dans les dorus précédents, on a fini le chapitre du sahur, et le repas avant al-fajr, et al-iftar, et le repas après al-maghrib, pour rompre le jeûne. Fama hiya sunna fil iftar? C'est quoi as-sunna fil iftar? Tafadhal. At-ta'jil, ma dalil? Sa'd ibn Sa'd radhiyallahu anhu wa 'ala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yuzal an-nas bi khayrin ma ta'ajjalu. Ma 'ajjalu? Ahsan, la yuzal an-nas bi khayr ma 'ajjalu al-fitr. Fas-sunna, c'est de se précipiter à rompre son jeûne, as-siyam. Wa mata Yushra al-iftar, ça commence à partir de quel moment où on peut manger ou boire? Aïndaman, tafadhal. Al-ghuroub al-shams. Naam, aïnda al-ghuroub. Et on a cité plusieurs adillas fi hada, fi ma madha. Qala al-allama al-shaykh Salih al-Fawzan, hafidhahullahu ta'ala, bab fi mufsidati al-sawm. Hada al-bab muhim. Ce chapitre, il est très important. Fahunak al-shia. وبسببها يفسد الصوم اي des choses si le صائم fait ces choses volontairement façon صيام il est annulé فمن المهم c'est très important pour chaque musulman pour chaque musulma de connaître هذه المفسدات حتى يحافظ على صيامه اي هذا المسلم يحافظ على صيامه قال الشيخ الفوزان للصيام مفسدات يجب على المسلم ان يعرفها ليتجنبها ويحذر منها لأنها تفطر الصائم وتفسد عليه صيامه وهذه المفطرات منها c'est des choses qui annulent الصيام فعلى المسلم أن ينتبه فلا شك أن pour s'écarter de ces mufsidat أي ces annulatifs de الصيام فلا بد من علم لأن celui qui ignore ces points qu'on va citer ensemble inshallah ta'ala min kalam Cheikh Al-Fawzan فربما يقع في هذا الشيء وهو لا يدري et ça nous montre l'importance du ilm في هذا الباب وفي غيره أهمية العلم فذكر حفظه الله تعالى جملة من المفسدات il a cité quelques points importants sur les annulatifs de الصيام قال الأول الجماع avoir des rapports ça annule الصيام فمتى جامع الصائم بطل صيامه ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه ويجب عليه مع قضائه الكفارة فسان ذنب عظيم c'est très grave هذا لأن هذا الشهر له حرمة c'est un mois il a une hurma عند الله سبحانه وتعالى et Allah سبحانه وتعالى il nous a interdit de manger, de boire, d'avoir des rapports من الفجر إلى الغروب فالذي يتعمد ذلك celui qui a des rapports volontairement c'est très grave لأن il ne respecte pas حرمة هذا الشهر فلهذا il y a une كفارة et في الحقيقة elle n'est pas سهلة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى يتوب et il applique cette kafara et pour celui qui a fait ce péché. Wahia al-kafara, c'est quelque chose pour rattraper un dhamb. Famathalan, celui qui a des rapports pendant Ramadan, il y a une kafara. Il l'a cité, on a dit, wahia, itqu raqabatin, affranchir un esclave. Fa il lam yajid al-raqaba, ou lam yajid qimataha, fa alayhi an yassoum shahrayn mutatabi'in. S'il ne peut pas libérer un esclave, la deuxième étape, il jeûne deux mois consécutifs. Voilà, à bout que ces deux mois, ça soit, il n'y a pas d'interruption. Il a les udr. لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Ama celui qui tombe malade, ou il a un voyage d'arour et qui ne peut pas repousser. في هذا الحال, même s'il mange ou il boit, il ne jeûne pas. Enfin, les deux mois, ils ne sont pas interrompus. Amma, celui qui doit jeûner ces deux mois, il a eu des rapports pendant Ramadan, thumma, sans aucune raison, il y a une interruption à ya'kul aw yashrub qabla intiha ash-shahrayn fa la bud, il recommence tout min al-awwal li anna Allah subhanahu wa ta'ala il a cité comme condition anna ces deux mois ils sont consécutifs. Wa al-hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi rahmatullah alayhi il a cité fi 'umdat al-ahkam un hadith fi hadha عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. Un homme il est venu voir le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم في رمضان et il lui a dit يا رسول الله هلكت. قال صلى الله عليه وسلم ما لك. النبي صلى الله عليه وسلم il lui a demandé لماذا لماذا يقول هذا هلكت والهلاك معروف. قال وقعت على امرأتي وأنا صائم وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. Cette رواية nous montre أن هذا هذه الكفارة c'est pour رمضان فقط. أما autre que رمضان c'est un صيام نافلة. Un homme il a des rapports avec sa femme فلا شيء عليه. Et si c'est un صوم obligatoire لكن autre que رمضان en dehors du mois de رمضان فَلَا كَفَّارَةٌ. Pourquoi? لأن cette كفارة elle est pour حرمة هذا الشهر. Comme il a démontré العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه dans son شرح على عمدة الأحكام. فمثلا si واحد il a un jour de رمضان غتخبي il a pas fait الصيام يوم أو يومين مهم il a deux jours à غتخبي ou un jour et il le غتخب au mois de Safar مثلا on n'est plus في رمضان et ce صيام il est obligatoire pour lui. Il doit rattraper un jour qu'il a manqué vers Ramadan. Si il a des rapports avec sa femme vers ce jour, il n'y a pas de kaffara. Pourquoi? Parce que le kaffara est spécial à Ramadan. Le kaffara, c'est que pour Ramadan. Et celui qui a des rapports en journée de Ramadan alors qu'il doit jeûner, il doit faire cette kaffara. عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. Bien sûr, celui qui n'a pas d'udhr, amma celui qui est en voyage, فيجوز له de manger, de boire, d'avoir des rapports avec sa femme. الكلام الآن, il est في واحد qui n'a pas d'excuse. Et, عياذا بالله, il fait ce ذنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. Est-ce que tu peux affranchir un esclave? فقال هذا الصحابي رضي الله عنه لا. فقال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ Est-ce que tu peux jeûner deux mois consécutifs؟ Vous remarquez الآن que النبي صلى الله عليه وسلم il a cité la condition متتابعين sans interruption deux mois. فقال لا. فقال صلى الله عليه وسلم فهل تجد إطعام ستين مسكينا ستين مسكينا؟ Est-ce que tu es capable de nourrir 60 pauvres? فقال لا إلى آخره. المهم, on a cité ce hadith, il est في الصحيحين, pour montrer les différentes étapes. عتق رقبة أولا, celui qui ne peut pas, comme c'est le cas de nos jours, à jeûner deux mois consécutifs, et celui qui ne peut pas, nourrir 60 pauvres. Ne pas faire l'erreur que certains y font, un homme ne respecte pas l'ordre, et Robama il nourrit 60 pauvres. Là, celui qui est capable de jeûner, qui a la capacité, fayedibou allez, jeûner deux mois consécutifs. On n'a pas le droit de passer à l'étape d'après, il dit celui qui n'a pas les listes, celui qui n'a pas la capacité de jeûner, il nourrit 60 pauvres. قال Cheikh Al-Fawzan, on revient à son kalam, فإن لم يستطيع صيام شهرين متتابعين. S'il ne peut pas jeûner deux mois consécutifs, c'est trop pour lui. Il n'arrive pas. قال بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي. Bien sûr, une excuse valable في ديننا, dans notre dîn. أي عذر شرعي. أما البعض, pour eux, ça peut être énorme, deux mois consécutifs, alors qu'ils ont la capacité. فهؤلاء, ils ne sont pas excusés. Ils doivent jeûner s'ils ont fait ce dhamb. أما celui qui ne peut pas, لأنه il a des faiblesses, ou un udhr shar'i, il est excusé de ne pas jeûner et passe à l'étape inférieure. Qala Cheikh Al-Fawzan, fa il lam yastati' siyam shahrayn mutatabi'ayn li an lam yaqdir 'ala dhalik li 'udhrin shar'i, fa 'alayhi an yut'im 60 miskinan li kulli miskin nisf sa' min at-ta'am al-ma'kul fi al-balad. Et il doit nourrir 60 pauvres. Et ça équivaut aux 60 jours de siyam, si c'est des mois de 30 jours. Il y en a celui qui jeûne 2 mois consécutifs, bah, il va jeûner 60 jours à peu près. Ou aqal qalil. Celui qui ne peut pas, pour chaque jour, un pauvre, il nourrit 60 pauvres. Fal jima', avoir des rapports, fi nahari ramadan, alors que ce musulman, il doit jeûner, il n'a pas d'excuse pour ne pas jeûner, c'est haram alayhi. Bi ijma' ahl al-ilm, annahu il n'a pas le droit. Wa man waqa'a fi hadha, fa yatoub ila Allah, il fait tawba, et al-kaffara. Annahu il jeûne 2 mois consécutifs, et s'il ne peut pas, il nourrit 60 pauvres. Et on avait détaillé, akthar, fi sharh, indat al-ahkam. Lakin, huna naktafi bi hadha. Qala, hafidahu Allah ta'ala. ثانياً deuxième point, deuxième annulatif, إنزال المني بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر فإذا حصل شيء من ذلك فسد صومه وعليه القضاء فقط بدون كفارة لأن الكفارة تختص بالجماع. إنزال المني هذا ce point كذلك سأنول الصيام que ça soit بسبب التقبيل ou l'ams, ou istimna, bil-yad, tout ça, ça annule as-siyam. Si un écoulement avec shahwa, fahada, ça annule as-siyam, et fi hada al-hal, il doit rattraper hada al-yawm. Bien sûr, si c'est volontaire. Mais si c'est un volontaire qu'un na'im, celui qui dort, matalan, et il a un écoulement, fi hada al-hal, la qada alayhi, la shay alayhi. Li'annahu, il n'a pas fait cela volontairement. ومن هنا on peut citer une مسألة القبلة للصائم embrasser sa femme في نهار رمضان في الصيام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه متفق عليه فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل زوجته عليه الصلاة والسلام في نهار رمضان النبي صلى الله عليه وسلم embrassé ses femmes في نهار رمضان ça montre que c'est pas haram لكن كما قالت عائشة وكان أملككم لإربه لكن النبي صلى الله عليه وسلم il se maîtrise c'est أفضل البشر c'est أتقى الناس أما celui qui a une شهوة كبيرة il est ضعيف من حيث أنه ربما ça le pousse avoir des rapports et tomber fi al-dhanb al-kabir fi Ramadan fahada yajtanib il s'écarte de ça قال الامام الالباني رحمه الله عليه في تمام المنه لا ننصح الصائم وبخاصه اذا كان قوي الشهوه ان يباشر وهو الصائم الشيخ الالباني رحمه الله عليه ينصح ان الانسان يبتعد من هذا si il sait que ça peut le pousser à avoir des rapports il s'écarte قال خشية أن يقع في المحظور أي الجماع وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من أدلة الشريعة منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحماء أوشك أن يقع فيه تقدم معنا هذا الحديث في شرح الأربعين هذا سبب مهم فرمي للبخت أحرام فمثلا avoir des rapports al-jima' fi nahar ramadan haram bil ijma' bal yun kaffara kabira pour celui qui fait ce temp ça montre que c'est très grave une chose qui peut pousser à ce haram écarte-toi fa mathalan at-taqbil fi nahar ramadan c'est mubah c'est pas interdit le nabi sallallahu alayhi wasallam il l'a fait lakin si ça peut pousser à un haram écarte-toi da' ma yaribuk ila ma la yaribuk والسلامة لا يعدلها شيء que ça soit في هذا الباب ou في غيره لأن il y a des choses c'est haram واضح et il y a des choses c'est des وسائل ذرائع أي des choses qui peuvent te pousser à un haram clair écarte-toi du haram clair et كذلك écarte-toi de la وسيلة حتى tu préserves ton دين أما كم من الناس ils se rapprochent ثم يقعون في الذنب لماذا لأنهم ils se sont approchés ومن حام حول الحمام cet exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné, celui qui promène son troupeau à côté de la terre d'un autre, et il n'a pas le droit de pénétrer dans cette terre, et il emmène son troupeau à côté, Rabbama, une bête de son troupeau, elle pénètre. Sahibu al-ard, il lui reproche des choses, il lui demande des comptes, il a akhiri. Pourquoi les annahu s'est rapproché? Amma, il a emmené son troupeau dans un endroit où il n'y a personne. Il serait loin de ce haram, ou de cette chose qui ne lui est pas permise. C'est un bab muhim, les ulama, ils insistent beaucoup. Sed dhara'i' al-muharramat. Et on a un exemple ici, fi as-siyam. Celui qui sent min nafsihi annahu rubbama yaqa' fi al-mahdhur, fa yasakhat aslan. Amma al-istimna fa kadhalika kama qala Sheikh al-Fawzan annahu sa'annul as-siyam. Qala Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahmatullah alayhi kama fi majmu' al-fatawa al-istimna'u fi nahar as-siyam yabdul as-sawm idha kana mutaammidan dhalik wa kharaja minhu al-mani. S'il y a un écoulement, là, chaque année, il a annulé son siyam. Et on a un délire fi hada fil haqiqa li man ta'ammal hadith Abi Huraira radiyallahu an. C'est un hadith qudsi, an Allah azza wa jal qala yatruku ta'ama wa sharaba wa shahwatahu min ajli. Et en parlant du sa'im, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, celui qui fait le jeûne, il délaisse sa nourriture, il délaisse sa boisson, il délaisse sa chahwa, ses envies, pour qui? Pour Allah. Et celui qui pratique l'istimna fi nahar Ramadan, il n'a pas délaissé chahwa. Bel si un écoulement, il est tombé fi hada. Et ça prouve que ça annule son siyam. Qala Sheikh Abdul Aziz, rahmatullah alayhi wa alayhi an yaqdi in kana as-sawm farida. Si c'est un jeûne obligatoire, ka Ramadan, fayajib alayhi al-qada. Et continue de jeûner le jour. Li'annahu, il n'a pas d'excuse pour manger. Là, il l'a annulé. Il continue son jour. Ce jour, il n'est pas accepté. Il le rattrape. Et il fait tawba. قال الشيخ عبد العزيز وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال الصيام ولا في غيره وهو الذي يسميها الناس العادة السرية. هذا حرام كسوا في رمضان أو في غير رمضان لكن في رمضان أشد. رمضان c'est plus grave et ça annule le صيام. Et il n'y a pas de كفارة. Il n'y a pas de kafara. Le kafara khassa bil jima' et khassa bi nahar ramadan. Là, tu as deux points pour le kafara. Que ce soit fi nahar ramadan et al jima'. Amma si c'est autre que ramadan, pendant le mois de ramadan, il n'y a pas de kafara. Walaw ya jima'. Et si c'est fi ramadan et il y a un écoulement bi ghayr jima', fa il doit rattraper ce jour et il est tombé fi le haram, mais il n'y a pas de kafara. Limada? Li anna c'est khass bil jima'. فهذا مفهوم إن شاء الله تعالى. قال والنائم إذا احتلم فأنزل فلا شيء عليه وصيامه صحيح لأن ذلك وقع بدون اختياره لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. أما celui qui a eu un écoulement et dormait pendant son sommeil, فلا شيء عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. الإنسان s'il fait une chose et c'est involontaire, et là, ma ta'amada dhalik, là, chaque année, il n'est pas pris en compte. Lakin, comme a dit le Cheikh Fawzan, il yajib alayhi l'irtisal min al-junaba. Li'annahu, il doit faire salat. Il doit faire le ghusl. Qala thalithan, al-aklu wa shurb muta'amidan. Donc, on a fini le premier annulatif, al-jima'. Le deuxième, l'écoulement, wala ubidun jima'. Le troisième, al-aklu wa shurb. Muta'ammidan. N'am. Amma, celui qui mange par oubli, fala shay alayhi. Li qawlihi ta'ala wa kulu wa shrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl. Hadha sawadih. Al-aklu wa shurb tabi ijma' al-muslimin annahu sa'anul as-siyam. Wa taqaddam ma'ana al-hadith, al-hadith al-qudsi yada' ta'amahu وشرابه وشهوته من أجلي. فالصائم يدوى دليس إيسي الشوز الأكل والشرب. قال أن من أكل وشرب ناسيا فإن ذلك لا يؤثر على صيامه. وفي الحديث من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الحديث متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه وتقدم معنا في عمدة الأحكام. من أكل أو شرب ناسيا, celui qui mange ou qui boit par oubli, أي في رمضان, فليتم صومه. Tu continues في هذا الحال. Il y en a, c'était pas volontaire. Lakin quand tu te rappelles, t'arrêtes. Et tu continues ton siyam. Et النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله سبحانه وتعالى أطعم هذا العبد وسقاه. ثم il a cité des points importants كذلك qui sont liés à la nourriture ou à la boisson, لكن pas directement. أما الأكل والشرب هذا c'est معروف. ثم il a cité des points, قال ومما يفطر الصائم إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف. Si de l'eau elle pénètre par son nez et il avale cette eau volontairement, هذا كذلك سأنول الصيام. لماذا؟ لأنه il est في حكم الشارب في هذا الحال. Et هذا ça peut arriver dans deux situations. Ça peut arriver عند المضمضة والاستنشاق, عند الوضوء, celui qui fait le wudu et il aspire de l'eau par ses narines, et c'est une sunna. لكن في حال الصيام لا بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة, قال صلى الله عليه وسلم. فالسنة c'est d'aspirer fort avec son nez l'eau عند الوضوء, لكن celui qui fait الصيام لا, il fait pénétrer de l'eau dans son nez لكن sans aspirer fortement, لأن ربما ça pénètre dans son estomac. كذلك ça peut arriver عند السباحة, أي celui qui nage, ربما s'il ne fait pas attention l'eau elle rentre. فالإنسان ينتبه في حال صيامه, quand il fait le wudu il aspire pas fortement du nez, et s'il nage فينتبه. الحديث سيأتي معنا إلا سيدي شيخ الوزان حفظه الله, حديث الاستنشاق, حديث لقيت ابن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ازبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبلغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما, أي أسبير فورتمون لو بار توني سوف سي تو إس صائم. لماذا؟ لأن ربما لو البينتر دون الاستوما. الحديث حسنه الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في الجامع الصحيح. قال شيخ ابن عثيمين لو بالغ في الاستنشاق أو المضمضة مع أنه مكروه للصائم, سي il aspire fortement du nez, ou il fait rentrer كذلك de l'eau dans sa bouche, et il ne fait pas attention, et il avale un peu d'eau, c'est makruh للصائم, الصائم doit éviter d'aspirer fortement, comme on a cité le hadith. قال ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك لعدم القصد. Mais si de l'eau elle pénètre alors que ce n'est pas volontairement, فلا صيامه لا يفسد. أي لا يفطر بذلك, لكن المسلم ينتبه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا, هكذا قال عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. هذا من باب الخطأ, c'était pas volontaire, ça arrive. واحد في الوضوء في نهار رمضان il oublie, خاصة au début s'il n'a pas encore l'habitude, il aspire fortement et ربما de l'eau elle pénètre. هذا son siyam il est sahih, لكن il fait attention la prochaine fois. ثم قال شيخ الفوزان حفظه الله وهو ما يسمى بالصعود, أي que l'eau elle pénètre par le nez. وأخذ المغذي عن طريق الوريد, هذا كذلك سأنول الصيام. أخذ المغذي عن طريق الوريد, أي سأغيب هذا ومالد أنهم celui qui ne peut pas manger من المرضى, فإن le font manger par les veines avec des tuyaux إلى آخره معروف. فهؤلاء سي هذه الإبرة أو المغذية, نعم سي المغذية بلوتو, أي سي des aliments, des vitamines ou autres, فهذا سأنول الصيام. أما سي سي autre chose qui n'a rien à voir avec les aliments, فسي autre chose. نقرأ كلام أهل العلم في هذا. قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين, لا يفطر الصائم بأخذ الإبر في الوريد ولا في غيره إلا أن تكون هذه الإبرة قائمة مقام الطعام, بحيث يستغني بها الإنسان عن الأكل والشرب. فسن ضابط طيب. تعلمون أن بعض المرضى ربما une semaine il reste sans manger. Et في الحقيقة ce cas وقد يقول قائل أنه إلي مالاد سي با أوبليغاتوار بور لو صيام. نعم سي إلي مالاد أصلا سي با أوبليغاتوار بور لو يغاتخاب. لكن سا بو أريفي أن واحد إلى لا كاباسيتي دو جوني لكن إلو ينجكت هذا الشيء. فسي سي من المغذي Et pour savoir si c'est mina mina au maqam al ta'am, robama هذا الشخص il peut être alimenté une semaine ou اكثر ou اقل que avec ça. Ça montre que c'est du ta'am. Contrairement à d'autres choses. C'est pas maqam al ta'am, ça rentre pas fi hada al hukm. Qala illa an takun hadhihi al ibra qa'ima maqam al ta'am bi hayth yastaghni biha al insan 'an al akl wa al shurb. Fa si cette perfusion, c'est comme des aliments, des vitamines ou autres, ça annule le siyam. Si c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec les aliments, ça n'annule pas le siyam. هذا الخلاصة. والشيخ بن باز رحمة الله عليه, il a une fatwa كذلك dans le même sens. قال وحقن الدم في الصائم. Une autre مسألة. حقن الدم في الصائم. حقن الدم, il s'est injecté du sang au صائم. On va voir deux mas'ala, incha'Allah, fihada. Haqnu d-dam, c'est le fait d'injecter du sang. Et sahbu d-dam, c'est le fait de faire sortir du sang. Cheikh Al-Fawzan, il a cité les deux mas'ala. Enfin, la première, haqnu d-dam fi sa'im, injecter du sang au sa'im. Enfin, peut-être que ce musulman, il est en manque de sang. Et le docteur, il décide qu'il a besoin de sang. Enfin, il lui injecte du sang. Est-ce que ça annule son siyam? S'il est marié, c'est une autre question. Il a le droit de manger. Nous, on ne va pas répéter à chaque fois. Hada. Ça peut arriver des cas où il n'est pas marié. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه شرح بلوغ المرام كتاب الصيام الذي يحقن به الدم وهو الصائم هل يفطر ام لا. شيخ العثيمين رحمه الله عليه il pose cette question et il va répondre. كنت ارى انه يفطر واقول إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإنه يتحول إلى دم فالدم هو لبابة الطعام والشراب فهو يفطر أو يفطر مثلها. الشيخ العثيمين إلى غير قول كان له قول قديم كان يرى أنه يفطر. Il voyait au départ chez Al-Uthaymin son avis c'est que ça annulait al-siyam, le fait de se faire injecter du sang. لماذا؟ لأن il a comparé au départ le sang avec al-ta'am. Et si le ta'am, ça annule, comme on l'a vu précédemment, une injection de vitamine, la akhiri, ça annule, fahakada, il a comparé avec le sang. Le corps, il a besoin de sang, comme il a besoin d'aliments. Enfin, rahmatullah alayhi, il a fait cette comparaison. Fahakada, Cheikh Al-Fawzan, havidallah. C'est pour ça que Cheikh Al-Fawzan, il a dit annahu, ça annule. Thumma, Cheikh Al-Uzaymin, qala, thumma bada li, annahu la yufattir, li annahu wa in a'ta al-badan quwwa, lakin la yugni an al-ta'am. C'est كلام جميل. C'est vrai que le sang, se faire injecter du sang, ça donne de la force à l'insan, lakin il peut pas se passer de ta'am. Fali hadha law insan, il arrête de manger et de boire et il se fait injecter du sang, farubama yahlak au bout de quelques jours. Donc on peut pas comparer le sang au ta'am. قال الشيخ ابن عثيمين وليس من حقنا ان نلحق فرعا باصل لا يساويه. Ça montre تواضع اهل العلم. On n'a pas le droit de faire une comparaison, un qiyas avec deux choses différentes. Le sang, c'est différent de la nourriture. Fallait comparer fil hukm, annahu sa annule al-siyam, c'est pas as-sahih. Fallait hada, Cheikh ibn Uthaymeen, raja'a an qawlihi al-awwal, wa afta, annahu sa annule pas al-siyam. Le fait de se faire injecter du sang, ça annule pas al-siyam. Lakin, al-ihtiyatu, anna. Celui qui a besoin de hada, il le fait fil layl, hatta yakhruj min al-khilaf. Toutes ces masailles qu'on cite. Al-khilaf, il est qawi. Ahyanan, ba'd ulama ils disent ça annule, ba'd ulama ils disent ça annule pas. Akhil Karim, préserve ton siyam et fais ces choses la nuit, si tu as vraiment besoin. Si tu n'as pas besoin, retarde-les après Ramadan ou la nuit. Et na'am. Et kathiran, on répète anna, ces choses, rubbama, c'est réservé aux malades. Et le malade, il a le droit de ne pas faire le siyam. Aslan, s'il est malade, et il n'arrive pas à faire un siyam ou yashuq alayh. Lakin on répète min bab al-ihtiyat via mithl hadhihi al-masa'il al-khilafiyya tanas. Mathalan واحد il a besoin d'une injection de sang et ça peut attendre jusqu'à après Ramadan ou il peut faire ça après le Maghrib. Sors du khilaf et fais ça dans un waqt où il n'y a aucun khilaf, annahu ça fait pas du mal. Hada. Wa illa fa min hayth ad-dalil, il n'y a aucun dalil anna se faire injecter du sang, ça annule le siyam. Comparé à la nourriture, فكما بين شيخ العثيمين يا une différence. قال شيخ الفوزان وحقن الدم في الصائم تقدم معنا من قول شيخ العثيمين ان الراجح c'est que ça annule pas le siyam. كل ذلك يفسد صومه لانه تغذيه له. Vous avez vu que Cheikh Al-Fawzan il a cité anna tout ça c'est comme des aliments et il a inclus le fait de se faire injecter du sang comme il disait Cheikh Al-Uthaymeen au départ rahmatullah alayh. قال انه تغذيه له ومن ذلك ايضا حقن الصائم بالابر المغذيه لانها تقوم مقام الطعام. الابر المغذيه des injections de nutriments, que ce soit des vitamines ou autres. هذا لا شك انه سانول الصيام لانه سبي مقام الطعام. C'est comme s'il mangeait. On sait l'an, walillahi alhamd, anna ce qui annule le siyam, c'est pas que ce qui pénètre par la bouche. Kadhalik par le nez, on fait attention l'eau, comme on l'a vu. Kadhalik les injections. Tout ça, ça annule si ce qui est injecté, c'est bi maqam al-ta'am. لأنها تقوم مقام الطعام وذلك يفسد الصيام. أما الإبر غير المغذية فينبغي للصائم أيضا أن يجتنبها محافظة على صيامه. ولقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل. C'est ce qu'on a cité, حفظه الله تعالى. Il l'a cité هنا. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. Ce hadith c'est une qaïda. Et on l'a expliqué plusieurs fois, quand il y a des doutes, une mas'ala khilaviyya, et pour sortir de ce khilaf, tu peux faire cette chose plus tard, fala tut'ib nafsak. Tut'ib nafsak, et roubama tu as des doutes, ou tu n'es pas sûr, ou yawmin al-ayyam yatabayyin lak, un autre avis, et roubama tu regrettes, fal insan, tant qu'il peut repousser, alhamdulillah. Kathirun min al-nas, il demande pour le dentiste. Finahar Ramadan. Kathir ou Minanas, il demande pour les prises de sang. Kathir ou Minanas, il demande pour toutes ces masaïl. Si c'est pas urgent, on les fait avant Ramadan. Si on a besoin, et si c'est pas urgent, on les retarde après Ramadan. Et celui qui a vraiment besoin, après le Maghrib. Il reste un cas là où il est malade et il a vraiment besoin. Enfin, s'il est malade, il est malade. Walillahi alhamd. Lakin, vous avez remarqué que l'ulama, ils insistent sur ce point. Hatta on sort de al-khilaf, wal-qil, wal-qal, wa kathratul as-ila. Non. Et dans le tars suivant, inshallah, on étudiera ensemble ma yata'allaq bi al-hijam. Ikhraj ad-dam min al-badan. Enfin, on a vu la mas'ala de se faire injecter du sang. Cheikh Fawzan, waffaqahu Allah ta'ala, il a cité une deuxième mas'ala, ay al-hijam, sahb ad-dam, ay c'est le sang qui sort. Perdre du sang ou faire sortir du sang par le moyen al-hijam ou autre, est-ce que ça annule as-siyam? Hada dans notre dars suivant inshallah taala. Subhanak Allahumma bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.